Monte le son, c'est British Connection. We'll be right back.

c'est toujours pas de Kebra dans British Connection avec du Oberkampf non-stop. Poupée de cire, poupée de con. Où est-il le temps des promesses? Où est-il le temps des promesses? Le temps des signes qui chantaient au loin? Où est-il le temps des promesses? Le temps des rires, le temps des chagrins? Où est-il? Dis-moi où est-il le temps des rêves? Réfléchir en chemin. Où est-il? Dis-moi où est-il? Le temps des pires qui coupaient ta faim. Courir, fais-moi souffrir. Donne-moi la force d'aller plus loin. Courir sans me retenir. Je suis capable de lâcher les freins. Courir après le soleil. J'ai bien failli me brûler les ailes. Courir, j'ai touché le ciel. Une chape de plomb m'a stoppé en vol. J'étais si rebelle. J'ai eu la force de crier. J'ai porté un rêve. Oui, j'ai porté un rêve. Pendant que je priais, je vous entendais ricaner. Oui, j'ai prié le ciel de me donner la force de déposer ses va-nu-pieds. Oui, je vous haïssais. Je peux te le dire, je vais te le dire. Hey! je vais le vivre.